Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Dolbo Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement $175 aux deux semaines, à 1,5% de location pendant 48 mois ou obtenez $11,000 sur certains camions. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au téléphone 418-276-0580. On va parler avec Bernard Barré, Combat de boxe samedi soir à Toronto entre Adonis Stevenson et Badou Jack. Et il y a également de l'actualité dans la boxe que je voulais parler avec Bernard. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, d'abord on va parler de ce combat-là entre Adonis Stevenson et Badou Jack. Les gens pensaient avoir LDR Alvarez, parce qu'Alvarez fait quand même plusieurs fois qu'il devient aspirant obligatoire. Mais Adonis a décidé finalement que ce soit Badou Jack. Et est-ce que Jack, on dit qu'il a un menton assez déficient, mais est-ce qu'il pourrait quand même livrer une bonne bataille? Parce que c'est un ancien champion du monde, là. Ben oui, il a été double champion du monde. Il a été champion du monde chez les 168 livres. Champion du monde chez les Milos, il avait causé une surprise dans Bataille Cleverly. Mm. Et c'est certain qu'il peut causer des problèmes. Le gars, c'est un Olympien, là. Il a représenté son pays d'origine, la Gambie. C'est le seul représentant de la Gambie en boxe qui était porteur de drapeau. C'est arrivé juste une fois, mais lui, il est suédois, là, de par sa mère et par son père, c'est un Gambéen. Puis, quand on parle de qualifié pour les Jeux olympiques, déjà, là, ça donne bonne idée de la qualité de sa boxe. En plus, ben là, double champion du monde. C'est certain qu'il semble plus à l'aise maintenant chez les Milos. Il l'a démontré contre Cleverly. Fait un combat physique et il a pas mal paru loin de là. Il a démoli Cleverly. Donc, il représente une menace certaine pour Adonis Stevenson, qui lui est en quête de sa 9e défense, ce qui égalerait le record canadien de Lucian Moutet. OK. Dis-moi, son menton, par exemple, peut être faible, hein? Puis Adonis, c'est un cogneur. Ben, écoute, sa défaite, il s'est fait passer encore contre Derek Edwards. Ouais. Il avait été pris à froid et il s'est retrouvé deux fois au tapis. Il s'était pas remis de ça et on sait qu'Edwards, lui, s'est fait passer encore par Stevenson en début de combat quand il était venu à Montréal. Donc, c'est sûr qu'on peut pas prendre ça comme comparaison, là, officielle, parce que là, à un moment donné, il s'est passé bien d'autres choses entre-temps. Il est allé au tapis aussi contre James DeGale, mais il s'est relevé. C'était au début du combat et il a envoyé DeGale au tapis au 12e round, ce qui avait provoqué un combat nul, finalement. Donc, oui, effectivement, si ça donne à avoir la mâchoire sur le coup de canon de Stevenson, ben il peut y arriver un gros malheur, ça, on peut pas le nier, mais qui reste debout, finalement, contre Stevenson quand il lance son meilleur coup, puis qui est précis, là? Oui, effectivement. Donc, tu y vas avec Adonis dans ce combat-là, facilement? Oui, je pense que Adonis devrait être passé dans le cadre vers le 9e round, à peu près. C'est certain que pour Badou Jack, il peut pas se permettre de faire un combat à distance avec Stevenson. Au bout du point, Stevenson est beaucoup trop puissant. Sa main gauche est télescopique et finalement conclut ses combats avec ça. Donc, il va avoir intérêt lui à s'approcher, mais pour s'approcher, il va falloir qu'il paye le prix et ça peut faire mal. Ça, c'est pas évident. Là, il faut absolument qu'il tourne à l'opposé de la main gauche de Stevenson, ça c'est certain. OK. Bernard, après ça, parce que là, je suis sur Fighting News, puis j'essaie de voir les combats de sous-carte. C'est qu'on a en sous-carte? Ouais, ben en sous-carte, on a Rivas. Ouais, parce que Rivas, c'est vrai, oui. Sébastien Bouchard, il affronte un Belge qui a une belle fiche. Hervé Uriau, double H, Éric Blas, mais là, on sait, là, il était 11e au monde, là, 3 semaines, il est tombé 12e, il remonte 11e. Mm. Donc, il se tient là, là. Il cogne à la porte du top 10, puis il n'a pas les moyens, lui, là, de manquer son coup. Surtout pas dans un gala de cette envergure-là, mais il va aussi rendu là dans sa carrière. Là, il, ses blessures sont en arrière, et il est invaincu, et il cogne dur, il est puissant, il est grand. Il faut pas dire qu'il est grand, il est à 6 pieds pour un polo, mais il est gros, puis il fait peur. Mbeli, j'avais lu que c'était un gros combat pour Mbeli. Hein. Lui, c'est pour sa carrière, pour la suite de sa carrière, c'est un gros test là. Hein. Ouais, ben Mbeli, il va pour sa 10e victoire. Tu sais, moi, ça fait des années qu'on collabore ensemble. Puis des fois, je me garde toujours un petit gêne quand on parle de boxeur, tu sais, qui est d'avenir. Mais dans Mbeli, j'ai pas de petit gêne. Là. Le gars, c'est un exceptionnel. Ce gars-là a représenté la France aux Jeux Olympiques et a été à Rio. Et il a vraiment bien fait. Là. Il a battu l'Équateur, il a battu l'Ukraine et finalement avait été battu par Lopez, le Cubain, qui avait gagné la médaille d'or, mais dans un combat très compétitif. Et Mbeli était 3 fois champion d'Europe. Et tu sais, la boxe européenne, c'est très, très fort. Il y a tellement de pays participants. Donc, Mbeli, c'est un vrai de vrai, puis il devrait, en temps normal, percer le top 10 mondial assez rapidement, parce que là, lui, tu sais, il va pas garder passer la parade, il est déjà prêt pour les grands combats. Donc là, on a monté son niveau d'adversité, mais je suis vraiment pas inquiet pour lui. Là, retenez bien son nom, il donne de l'action. C'est un boxeur qui n'a pas eu à faire de transition des amateurs chez les professionnels, parce que c'est un boxeur extrêmement offensif, extrêmement fort, puissant. Donc, Mbeli, là, il s'en va directement vers le top 10 mondial, et ça, rapidement. OK, donc ça veut dire que peut-être d'ici un an et demi, si tout va bien, il pourrait être en combat de championnat du monde? Sans aucun doute. OK. Sans aucun doute. En combat de championnat du monde, peut-être un an et demi, 2 ans, mais ça ira pas plus loin que ça. OK. Bernard, puisque je t'ai... Je me rappelle quand Jean-Pascal avait annoncé supposément sa retraite, t'avais dit oublier ça. Là. Jean, quand il va arriver, puis qu'on parlera plus de lui, puis que les chèques ne rentreront plus, vous allez le revoir. Puis mettons que sa retraite a été très courte, hein? C'est incroyable. Ben, c'est une de mes prédictions les plus faciles à faire. Tu connais assez bien Jean. Ouais. Savoir qu'il a besoin de ça, de se sentir encore adulé par les gens, donc oui, et là, en plus, il y a une belle opportunité de faire un combat, une finale chez lui contre Steve Bossé, qui malgré qu'il y aura 25 livres ou peut-être 30 de plus, là, mettons qu'on va le dire 25 livres, pour un gars comme Jean-Pascal, il représente pas un grand danger, donc ça prendrait un miracle et un luck et punch d'enfer pour causer une grosse surprise. Jean va jouer avec comme un chat avec une souris, puis à un moment donné, s'il était capable de péter la gueule à Elbi Ali, qui était un espoir américain, qui avait 16 victoires, aucune défaite, qui est allé se battre chez lui à Miami, puis qui l'a cassé là, au 6e round. Il devrait pas avoir de problème avec un gars comme Steve Bossé, qui est beaucoup plus un gars des arts martiaux mixtes, un combattant sur la glace, puis qui a 2 rounds d'expérience en boxe professionnelle. Il a fait de la boxe amateur, Steve Bossé, dans le cadre, là, à un moment donné, la Ligue nord-américaine faisait des combats l'été en Kigoune, là, les durs de durs des équipes, organisait des galas en collaboration avec la Fédération québécoise de boxe olympique. Donc, il a fait quelques combats chez les amateurs, mais tu sais, c'est pas ton sport. Là. Autant je donnerais pas de chance à Jean à MMA avec Bossé, autant le contraire, ça semble aussi vrai. Là. Je peux pas voir comment que Bossé va réussir. Il peut pas gagner une décision, ça c'est sûr et certain. Il faudrait qu'il l'assomme, mais tu sais, l'assommer, là, si Kovalev a pas assommé Pascal, il l'a arrêté, mais il l'a pas assommé. Comment un gars comme Bossé peut le faire? Mais Bernard, là-dessus, ce que je te disais, puis Steve Bossé, il a jamais boxé plus que, quoi, 4 rounds? C'est ça, là, davantage? Ben ouais, mais il a fait trois rounds chez les amateurs, il a fait 2 rounds chez les pros. Là, c'est sûr que plus ça va avancer, il a beau avoir l'avantage du poids. Jean, lui, qui est habitué dans les genres de marathon de boxe, là, des 10 puis des 12 rounds, mais lui, Jean, il a tout vu là-dedans. Là. Fait qu'il est capable de gérer ça, puis il va savoir quand ça va être le temps de s'en débarrasser. Et ça, c'est sûr. OK. Maintenant, je vais aller sur la scène internationale maintenant. Vassil Lomachenko, qui a remporté une autre victoire. Donc, lui, il est champion du monde dans 3 catégories. Penses-tu vraiment que c'est vraiment là, c'est un des meilleurs boxeurs de l'histoire de la boxe? Ah oui, oui, Vasyl Lomachenko chez les amateurs, là, c'était un exceptionnel. Une seule défaite. J'étais là à Chicago quand il a perdu contre le Russe Selimov. Plus de 300 victoires, une seule défaite. Le gars, c'est un boxé dans le plus grand tournoi, a gagné les Jeux Olympiques deux fois. Tu sais, c'est Travis Val Parker. T'sais, ce gars-là, là, c'est rarement que tu vois ça dans ta vie, hein, ce genre de boxeur-là. Le problème qu'il y a actuellement, on sait, à son deuxième combat, il se battait contre Salido, un vétéran mexicain de boxe professionnelle, puis finalement, c'était sa seule défaite et c'était très contesté. Par la suite, ben, comme tu dis, il était devenu champion du monde de trois divisions de poids. Le seul problème que je jouais avec Lomachenko, c'est pas de par son gabagie, c'est pas un gars qui va prendre du poids aisément, qui va, tu sais, c'est un petit format. Ouais. Donc là, plume, super plume, léger, là, à quelque part, il va falloir qu'il se limite, là, parce que ça va jouer contre lui. On l'a vu, s'est retrouvé au tapis contre Linares, qui n'est pas le dernier venu non plus. Il s'est relevé, mais le combat était serré, là. Il était très compétitif. C'est juste Linares, là. Il est bon, mais c'est pas un exceptionnel. Donc, il a parlé peut-être même de redescendre de division de poids. Tu sais, il y en a qui peuvent le faire. C'est dur pour le corps, par exemple. Gabarit. C'est dur pour lui, dans le moment, là, Lomachenko, c'est pas dur pour lui faire le poids de ça. Lui, il était obligé, parce que c'était pas assez fort dans sa division de poids, il dominait trop. Donc, il était obligé d'aller chercher des gars dans la division de poids supérieure. Okay. Mais lui, descendre plus bas que ça, il n'y a aucun problème avec ça. Là. Il a le gabarit d'un gars. Mettons un super plume, là. Mettons qu'on va laisser voir les plumes, un super plume, mais là, il faudrait s'arrêter là. Donc, c'est sûr qu'à jouer avec le feu comme ça, à un moment donné, le gars va se brûler parce que il va arriver une brute ou un talentueux qui va prendre ses coups, puis à un moment donné, il va y faire mal. Des fois, c'est tu y penses deux fois, puis là, je pense que c'était une lumière qui s'est allumée là, dans le clan Lomachenko, quand il s'est retrouvé au tapis, puis d'avoir un combat aussi serré, qui n'était pas supposé d'être aussi serré que ça, avant qu'il arrête son adversaire. OK. Bernard, je vais te retourner au congrès de l'UMQ. On s'en reparle la semaine prochaine avec David Lemieux, si tu permets. Bon, pas de problème. Ça me fait plaisir, Danny. Bonne fin d'émission. Bernard Barin, collaborateur de